Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Et durant les deux prochaines heures, on aura du rock progressif avec quelques nouveautés, dont The Seasides Project. Ça va faire partie du bloc 1 de l'émission, à titre d'album de la semaine. On aura aussi Bruce Sword, le chanteur de Pineapple Thief, qui a sorti un album l'automne dernier. On aura une nouveauté de l'Inde avec Cosmic Circus, une nouveauté de la République tchèque avec Different Light. On a aussi du côté canadien Rick Miller qui nous offre un nouvel album. On a une nouveauté du Mexique, le groupe Écosse. Et pour le dernier bloc de l'émission, eh bien, on va faire un petit retour dans le passé avec Battiato des Indes, c'est-à-dire des Indes de l'Italie, et Gong, une formation multinationale qu'on connaît bien. Alors, pour le premier bloc de l'émission, eh bien, on aura The Seasides Project, qui est un groupe britannique qui vient de faire sortir leur quatrième album studio. Le groupe existe depuis une dizaine d'années. Et ce nouvel album, il s'intitule Purple Hearts Corner. Et c'est un album de 5 pièces qui totalise 54 minutes, ça veut dire une dizaine de minutes par morceau, ce qui est bien en ligne avec la philosophie du rock progressif, selon moi. Et les deux morceaux que je vous propose, ben, ils ont 12 minutes chacun. Ça sera In Clouds et la pièce titre Purple Hearts Corner. the endless dreams that we see. Only in time we'll tell our story. We'll be right back. sky, there's a silver lining. Beyond the clouds into the endless breeze, where heroes fall and endlessly in God's own sky, lit up by a thousand luminescent fireflies. Spider leg, long light stretches up high, searching for the butterfly in the web of skies. Reaching down, touching. Alors, c'était la formation britannique The Seasides Project et la pièce titre de leur nouvel album, Purple Hearts Corner. Et ça avait été précédé d'une autre pièce de cet album-là. La pièce s'intitulait Into Clouds. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On va rester du côté de l'Angleterre avec Bruce Sword. Bruce Sword, qui est le chanteur du groupe The Pineapple Thief. Bruce Sword, qui a quelques projets solo depuis 2013. On se rappelle en 2013 qu'il avait fait avec Jonas Rinksey l'album Wisdom of Crowds. On en avait fait jouer à l'époque à l'émission. D'ailleurs, je vais probablement en remettre d'ici la fin de la saison. Et Bruce Sword lui-même a sorti un album homonyme en 2015 et il nous revient en 2019 avec l'album All This Will Be Yours. Alors, je propose deux extraits. C'est Our Gravest Threat Apart, You Hear the Voices. Et ça sera suivi d'une nouvelle formation de l'Inde, c'est Cosmic Circus, c'est leur premier album. Alors, le titre, c'est un album homonyme, comme Cosmic Circus, et on va entendre aussi la pièce-titre. Et on va conclure avec de la République tchèque, le groupe Different Light. Eux aussi viennent de faire sortir un nouvel album, c'est paru en 2020. C'est le quatrième du groupe, donc qui existe quand même depuis 1996, là, ça fait 24 ans. Et l'album qui vient de sortir, c'est Binary Sons Part 1, Operant a Condition. Alors on peut résumer qu'il y aura bien une suite à ça. Alors on débute avec Bruce Sword. There has to be another way. Come this far to go on separate ways. There has to be another way. We may as well line up straight and march to our end of days. Can we be a force together? Thank you. too much to find, too cold, too deep. We build a cold ocean, submerged apart. A cold ocean to lose our hearts. Let the water come to our door. Yeah. So the song one day you'll understand. This isn't what we planned. It is just the way we are. And even when we go away, there won't be more to say. Just remember who you are. Who you are. Ce que vous venez d'entendre, ça nous vient de la République tchèque. En fait, c'est le groupe Different Light. Et on a entendu la pièce Amphibians tirée de Binary Suns. C'est leur plus récent album qui est paru il y a à peu près une semaine ou deux. Et ça a été précédé de la formation qui nous vient de l'Inde, c'est Cosmic Circus. Et on a entendu la pièce titre de l'album homonyme, Cosmic Circus. Et auparavant, mais on a eu deux pièces de Bruce Sword, le chanteur de Pineapple Thief. Et deux extraits, dis-je, de l'album All This Will Be Yours. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour débuter ce troisième bloc, on va aller du côté, bien, on va rester au Canada. C'est Rick Miller qui vient de faire sortir son 14e album studio. Alors, c'est un multi-instrumentiste qu'on connaît bien à l'émission parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel album, ben, on a été présent. Et ce nouvel album, ben, il s'intitule « Belief in the Machine ». La pièce que je vous propose, ben, c'est « Correct to the Core ». Et ensuite, on aura du Mexique, la formation EKOS, E-K-O-S. Et c'est un groupe qui a déjà 3 albums à son actif. Et le plus récent, ben, s'intitule Instinto. Alors ça, c'est paru aussi en 2020. Alors on y va tout de suite avec Rick Miller. Thank you. Friends, he has come. Alors, c'était du Mexique, la formation Ecos, E-K-O-S, et la pièce Creando Vaquios s'est tirée de l'album Instinto. Ça, c'est paru il y a à peine 2 semaines. Et ça me faisait penser un peu à Cast, le groupe de la même origine là, qui vient du Mexique. Je suis allé voir et j'ai vérifié, et mais non, c'est des musiciens qui sont complètement à part. Alors, ça déménage pas mal, mais c'est de façon... En tout cas, c'est très professionnel. Moi, j'adore beaucoup. Et ça a été précédé d'une autre nouveauté aussi. C'était cette fois-là du côté canadien avec Rick Miller. Et on a entendu la pièce « Correct to the Core ». Ça, c'est tiré de son plus récent album qui, en fait, lui aussi, qui est très récent. Là, ça date d'une semaine environ. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le dernier bloc de l'émission, j'en profite pour rappeler aux auditeurs qu'il y a 7 ans, demain, ça fera demain 7 ans, que l'émission Rock de Neurones existe. Et tout ça a débuté avec une intention bien humble de la part de votre animateur. C'était de faire découvrir la musique que j'aimais. Et à l'époque, ben, je faisais jouer pas mal de la musique des années 70 et j'étais un petit peu à court d'inspiration parce que j'étais pas très à jour dans les nouveautés. J'ai fait beaucoup de recherches et puis depuis ces 7 années-là, eh bien, on a eu énormément de nouveautés en plus d'avoir beaucoup de musique des années 70. En fait, on est rendu à 242 émissions, puis il y a eu pas loin de 2800 pièces différentes là, qui ont été jouées depuis ces 7 ans-là. Et on a à peu près un pourcentage de 3% de réédition, c'est-à-dire qu'on a fait jouer à l'occasion des pièces qu'on aime beaucoup, et ben, ça n'a jamais dépassé 2 ou 3%. Alors, un petit peu par nostalgie, bien, je retourne 7 années en arrière et je vous fais entendre ce que j'avais fait jouer à l'époque. Et ça va conclure l'émission de ce 17 février. Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e portami nelle zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete. È tempo di lasciare questo ciclo di vite. Gioie del più profondo affetto o dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce. ricordami come sono infelice, lontano dalle tue leggi. Come non sprecare il tempo che mi rimane e non abbandonarmi mai. Non mi abbandonare mai, perché la pace che ho sentito in certi monasteri, o la vibrante intesa di tutti i sensi in festa, sono solo l'ombra della luce. It's love that you're after, the craft of a hero will buy it. Just say so long, you may climb with a tiny amount of passion as a battle. We'll be right back. Alors ça, c'était de la musique de l'émission Rock de Neurones du 18 février 2013. Alors, c'est pour souligner le 7e anniversaire de l'émission. Et on a entendu Gong, bien entendu, et la pièce Master Builder tirée de You. Ça, c'est apparu en 1974. Et ça a été précédé de encore Gong avec I Never Glid Before tirée de Angel's Egg. Et auparavant, mais on avait une première pièce de You, encore une fois Gong, et c'était A Sprinkling of Clouds. Et en début de bloc, on avait Battiato d'Italie. Alors ça, si vous voulez retracer toute l'information concernant les pièces qui ont été jouées durant l'émission, mais je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurones. Vous allez y trouver toute l'information sur les artistes, les pièces qui ont joué, les albums d'où sont tirées ces pièces-là, l'année d'édition et l'endroit sur la planète où le groupe évolue. Et aussi, vous pouvez écouter l'émission en rediffusion les mardis matins, c'est-à-dire les mardis midi de midi à 14h et les dimanches matins de 10h à midi. Et ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et si vous désirez écouter l'émission en différé, c'est sur Internet, sur SoundCloud. Vous avez deux façons d'y accéder. Premièrement, en allant sur SoundCloud et en tapant dans la barre de recherche, vous tapez « Rock de Neurones » ou tout simplement, vous allez sur la page Facebook. Et là, vous allez avoir un hyperlien qui va vous amener directement à l'émission de la semaine courante. De plus, à partir du site, c'est-à-dire de la page Facebook, vous allez aussi, avec un hyperlien, pouvoir vous rendre sur toutes les émissions qui ont été archivées. Et en plus de ça, j'ajoute que sur cette page-là, il y a plusieurs informations concernant les palmarès de rock progressif italien, québécois et autres. Et j'ai aussi des liens qui vous amèneront vers les émissions spéciales qu'on a fait jouer dans le passé, notamment au niveau du rock progressif finlandais, du rock progressif de la Turquie, et on a aussi trois émissions sur le rock progressif italien. Alors ça met fin à l'émission d'aujourd'hui, et je me souhaite bon anniversaire, c'est un 7e anniversaire, et je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une autre émission de Rock de Neurones. On va débuter notre 8e année. Alors, bonne semaine.